Berceuse Paul-Aimée de Sonia Schnitti. Les fleurs sur la table s'endorment. Le livre est entr'ouvert et la lampe somnole. Dors, mon amour. Au port de la tente, un navire étranger est venu jeter l'ancre. Et la nuit sur le toit reflue, la mer verte rêve de la terre. Me vois-tu dans le tien? Vois-tu l'humble fleur au pays? Le fleuve qui salue la mer et retourne à la forêt vierge. Le nuage uni à l'orage, la route et les régions désertes. Dors, tant franc que j'aime Élis. Une image s'endort au mur. Dors que la pierre soit tendre, que tes pieds se durcissent. Lointaine est la lampe, le temps glisse comme le vent. L'amour est immense champ de fleurs. Je prends ta main dans la mienne, traversant ensemble sources, collines par milliers.